Allô ma chérie, t'es où, faut qu'on se pète. Trop de choses à dire qu'on dit pas hôtel. Mon cœur bat vite, meuf, là c'est un délire. J'suis dans un big dream, faut que tu réalises. Comme dans mes rêves, il est arrivé comme un Don Juan. À ses yeux, j'suis la seule qui lui fait de l'effet, ouais. Il est bien, il est tout ce que j'aime. Je veux être celle avec qui il finira sa vie. Laisse-moi être celle avec qui tu finiras ta vie. Cette vie, cette vie, cette vie, cette vie, cette vie, cette vie, cette vie, cette vie. C'est celui, oui, oui, que j'ai choisi, oui, oui. Hey, hey, hey. C'est celui, oui, oui, que j'ai choisi, oui, oui. Hey, hey, hey. Y'a un truc qu'on m'a dit pour éviter qu'on se disperse. Pour vivre heureux, faut rester discret. Il me met sur un piédestal, il me respecte. On fait la paire et sans faire exprès. Next, moi, vie, mon big dream. Next, moi, vie. Je veux être celle avec qui il finira sa vie. Laisse-moi être celle avec qui tu finiras ta vie. Cette vie, donne-moi cette vie.